Voilà, nous allons continuer dans l'étude de la lettre de Paul aux Philippiens. Nous sommes arrivés au chapitre 3. On a commencé le chapitre 3 la semaine dernière et on va reprendre pour se remettre dans le contexte à partir du verset 1 et on va étudier ce matin jusqu'au verset 11, Dieu voulant. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurai sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Vous vous souvenez du contexte? Paul écrit à une église qu'il a implantée voilà, une dizaine d'années auparavant. Et il écrit depuis une prison. Il est en prison à Rome. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que lui qui pourrait avoir toutes les raisons de se plaindre de son sort, c'est lui qui va encourager les chrétiens qui vivent libres à Philippe. En Macédoine, il est déterminé à leur montrer les vraies priorités de la vie. Et il nous a déjà dit dans Philippiens 1 que pour lui, verset 21, Philippiens 1, 21, pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul vivait essentiellement pour Christ. Le reste, c'était accessoire, c'était tout autour de cette décision de vivre pour Christ. De façon intéressante, on peut soit vivre pour Christ, selon Philippiens 1, 21, ou on peut vivre selon Philippiens 2, 21. Tous, en effet, il parlait de ceux qui n'étaient pas comme lui, branchés, vivant pour Christ, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. Soit on vit pour Christ, soit on vit pour soi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire de dire on vit pour les autres sans vivre pour Christ. Ça n'existe pas dans la réalité. Et il met en garde ces Philippiens dans le début du chapitre 3, contre de faux docteurs. Les faux docteurs, ce n'est pas des gens qui se déguisent en médecins, ce sont des faux enseignants, des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires qui enseignent une fausse doctrine. Paul venait d'un arrière-plan juif, il était juif, il va nous le dire dans la suite du chapitre 3, et parmi les chrétiens juifs, il y en avait qui avaient mis donc leur foi en Christ, mais qui voulaient toujours insister sur la pratique de la religion hébraïque, de la religion juive, et qui insistaient sur la circoncision, disait, c'est bien d'être sauvé par la foi, mais il faut aussi se faire circoncire, il faut suivre les préceptes de l'Ancien Testament. Ça, c'était ce que Paul avait découvert, ne pas être la vérité. Et il leur rappelle qu'on peut soit mettre sa confiance en Christ, en Dieu, soit on met sa confiance dans nos ressources, dans nos propres forces. Là aussi, c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas mélanger un peu les autres, dire je fais confiance à Christ, mais je fais aussi confiance à mon éducation, je fais confiance à mon compte en banque. Non, soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Et Paul était un grand logicien, c'est-à-dire qu'il savait utiliser la logique de façon puissante. C'était un grand intellect, c'était quelqu'un de très intelligent. Et il leur dit, si on pouvait se vanter de la chair, c'est-à-dire de nos ressources propres, de notre vieille nature, de notre éducation, de notre formation religieuse, de notre expérience religieuse, alors s'il y en avait un qui pouvait s'en vanter, ben, j'étais le meilleur d'entre eux. Et il nous rappelle brièvement qu'il pouvait faire vraiment confiance à son éducation, à son passé, à son expérience religieuse. Il a dit, si quelqu'un cherchait à être au top de sa religion, ben moi j'étais ce gars-là. Et il nous dit qu'il avait été circoncis le huitième jour, qu'il venait de la race d'Israël, qu'il était de la tribu la plus vertueuse, la tribu de Benjamin, qui était la seule à ne pas s'être rebellée contre la tribu de Judas, la tribu de Jésus-Christ. Cette tribu de Benjamin, c'était le seul patriarche qui était né en terre promise. Il était hébreu, né d'hébreu. Il savait lire l'hébreu dans le texte. Il savait parler. Il avait même été, en ce qui concerne la loi, pharisien. C'est-à-dire, il avait fait partie de cette élite. J'ai rappelé la semaine prochaine que nous, on pense pharisiens, on pense hypocrites. Et c'est vrai qu'à l'époque de Christ, ils étaient devenus cela. Il ne faisait que insister sur les choses extérieures et non sur l'intérieur. Il s'intéressait au rituel sans s'intéresser au spirituel. J'ai fait un mauvais jeu de mots, mais je sais que certains s'en rappellent, donc je vais le répéter, désolé pour ceux qui ne l'ont pas aimé. Le rituel sans l'esprit, sans le spi, comme un spinnaker de bateau qui est poussé par le vent, sans le vent de l'esprit, le rituel... ça ne sert à rien, ce n'est pas spirituel. Si le spirituel sans le spi, ça ne vaut rien du tout. Et il dit que lui aussi, il était dans cette partie, dans cette secte, au sens de groupe, d'élite, des pharisiens, qui eux étudiaient la loi à longueur de journée, qui en avaient même fait des commentaires. Et c'est là que la tradition s'était implantée. Les commentaires de la loi, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, des 10 commandements et des 623 autres commandements qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ils en avaient fait des commentaires. Et au lieu d'avoir 623 et commandements et les 10 commandements, ils en avaient écrit des milliers. Ils pesaient le sel qui pouvait porter le sabbat. On pouvait porter quelques pincées de sel, mais pas trop, parce que sinon ça devenait du travail. Et ils étaient devenus des persécuteurs de ceux qui ne suivaient pas leurs règles de vie, leur religion. Et Paul lui-même, il a dit, en ce qui concerne le zèle, j'étais top. J'avais la médaille d'or. J'étais persécuteur de l'Église. En ce qui concerne la justice légale, il était irréprochable. Autrement dit, si on pouvait obtenir une juste position avec Dieu, c'est ce que la Bible appelle la justice, si on pouvait l'obtenir par la loi, en suivant des lois, des règles de vie, à ce moment-là, lui, il aurait atteint cette justice. Parce que du point de vue de la justice par la loi, il était irréprochable. Il faisait tout ce qu'il fallait à la lettre. Il avait le zèle, il avait la connaissance, il avait l'expérience, il avait le pédigré. Et il dit, en fait, tout ça, tout ce qui aurait dû être considéré comme des choses précieuses, valables, formidables, dont j'aurais pu m'enorgueillir, me vanter, tout ça, j'ai considéré comme une perte. Toutes ces choses-là, c'était au pluriel un gain, c'était plein de bonnes choses. Mais il s'est passé quelque chose sur la route de Damas, sur son cheval, alors qu'il allait pour persécuter l'Église, mettre à mort les chrétiens, ceux qui suivaient le chemin, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, ceux qui suivaient le chemin. Il a été interpellé par Jésus-Christ, qu'il a fait tomber de son cheval, qu'il a désarçonné de son cheval, qu'il a rendu aveugle pendant quelque temps. Et là, Jésus-Christ lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu ?» Et là, en un instant, en un clin d'œil, Paul a été transformé. Vous avez peut-être des amis parmi vous, des connaissances, des parents, et vous vous dites « Jamais cette personne ne pourra être touchée par Christ. » L'exemple de Paul est un exemple qui doit vous encourager, parce que s'il y avait une personne qui était impossible à sauver, parce qu'il était tellement impliqué dans la religion, tellement persécuteur de Christ, c'était bien lui. Et pourtant, pour montrer sa puissance, Dieu en un instant l'a transformé, l'a retourné comme une crêpe. Et de plus grand ennemi de la foi chrétienne, Paul est devenu le plus grand défenseur, le plus grand publicitaire, on dirait aujourd'hui, de la foi chrétienne. Il a complètement été transformé. Il s'est passé en lui un renversement total de ses valeurs. Lorsqu'il dit « il a considéré comme une perte », c'est un terme de comptabilité. Il y a des comptables parmi nous ? Je demande parce qu'on a toujours besoin d'aide dans la comptabilité. Est-ce qu'il n'y en a pas ? Non ? Zut alors. Oui, un peu. Il a regardé le bilan. Peut-être que vous avez quelques notions de bilan avec l'actif et le passif. Il a vu à son actif tout ce qu'il avait. On en a fait la liste. Sa circoncision le huitième jour, la race d'Israël, hébreu des hébreux, persécuteur, justice légale, zélé. Il a vu tout ça. Et de l'autre côté, en passif, il a vu qu'il ne connaissait pas Christ. Et d'un seul coup, dans sa tête, il a réalisé qu'il s'était complètement trompé. Il s'était complètement égaré. Toute sa vie, il avait fait fausse route. On dit que c'est généralement avant l'âge de 20 ans, avant l'âge de 25 ans, que 60 à 75%, 80% même, des gens viennent à Christ. C'est pour ça qu'on est tellement intéressé de toucher les étudiants, de toucher ceux qui ont encore une chance statistique de revoir leur conception du monde. Pour les autres, c'est beaucoup plus problématique. Moi, j'ai eu la chance, le privilège d'être touché à l'âge de 33 ans par le message de Christ. J'avais été élevé dans la religion catholique, mais je ne connaissais pas Christ. J'avais laissé tomber Christ, il a fallu que j'attende 33 ans pour que le Seigneur frappe à la porte de mon cœur en parlant par des chrétiens, par une église. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se convertir, de changer d'optique lorsqu'on passe 20 ans, 25 ans ? Parce que si toute sa vie, on a monté une échelle en espérant faire des progrès, en espérant acquérir de l'instruction, des bonnes manières, de la force physique, un bon métier, une bonne profession, une bonne protection sociale, une bonne retraite. Si toute sa vie On a fait ça. On monte les échelons de l'échelle petit à petit et on arrive en haut où on est en chemin. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que l'échelle était appuyée sur le mauvais mur. Là, c'est difficile. Ça prend beaucoup d'humilité pour se dire « j'ai fait fausse route », mais il n'est pas trop tard. Et c'est ce que Paul a fait. Et il est un bon exemple pour tous ceux qui viennent à Christ passer leur jeunesse. Il a eu ce renversement complet de valeurs et tout ce qu'il pensait être des choses positives dans sa vie, il a réalisé qu'en fait, vis-à-vis de Christ, c'était rien du tout. C'était rien du tout. Et il va même aller plus loin, on va le voir dans quelques versets. Verset 8, « Je considère tout comme une perte. » D'un côté, il y a tout ce qu'il avait, tous les avantages que son éducation, sa formation, son expérience professionnelle, religieuse lui donnaient. Il regardait ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il compare ? L'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Connaître Jésus-Christ. On peut connaître une personne, ou plutôt on peut connaître les choses de façon livresque, ou de façon rapportée. Je ne suis jamais allé sur la Lune. Des fois, des gens me disent que je suis dans la Lune, mais je ne suis jamais allé sur la Lune. Ce que je connais de la Lune, c'est pour en avoir lu des choses, des articles, avoir vu des vidéos, avoir vu des films sur des gens qui sont allés sur la Lune, avoir entendu parler de gens qui ont foulé le sol de la Lune. Mais ma connaissance n'est pas une connaissance par mon expérience propre. Et là, il y a deux mots en grec. Il y a une connaissance par expérience personnelle et l'autre, ce serait ce qu'on traduirait par une connaissance livresque ou une connaissance par intermédiaire. On peut connaître plein de choses sur Jésus-Christ, mais est-ce qu'on le connaît personnellement ? Il y a différents degrés de connaissance entre être. On peut avoir entendu parler de Napoléon, on peut connaître Napoléon parce qu'on sait qu'il a vécu à une telle époque. Mais ce n'est pas la même chose de connaître Napoléon et de connaître son voisin. Son voisin, on peut le rencontrer, lui parler. Mais il y a une façon de connaître quelqu'un encore plus proche. Votre voisin peut penser que vous êtes quelqu'un de bien et faire des compliments à votre femme, et votre femme va dire à la personne... Oui, il est pas mal, mais il y a des moments où il peut tomber dans la dépression, il y a des moments... Il y a une connaissance intime avec votre époux, votre épouse, un très très proche ami, qui va au-delà de la connaissance. Ici, c'est encore plus fort. C'est l'excellence de la connaissance du Christ. Nous savons, nous connaissons, nous avons entendu parler de Jésus-Christ, mais est-ce que nous le connaissons de façon intime, de façon personnelle, de façon permanente, de façon qui progresse même, de façon qui est jamais complètement terminée, parce que nous savons qu'il y a toujours davantage à connaître de lui. L'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Paul vivait pour Jésus-Christ. Jésus-Christ était son maître. Est-ce que Jésus est vraiment mon maître ? Dire Seigneur Jésus, c'est des fois les personnes disent « Oh, Seigneur Jésus !» pour dire « Oh là là là là là là !» Quand vous dites ça, vous voulez dire que Jésus est votre maître. Est-ce que vous pouvez le dire ? Est-ce qu'on peut dire « Seigneur Jésus » en se plaignant ? Et il dit, et il faut se souvenir, ça fait maintenant probablement une vingtaine d'années qu'il a fait cette expérience sur le chemin de Damas. Ça fait 20 ans qu'il a eu ce renversement complet, ce renversement intégral de ses valeurs. Est-ce qu'il a changé d'avis ? Des fois, on se dit, tiens, je vais m'engager dans tel mouvement politique. Et puis, les années passent, et puis on se dit, finalement, ce mouvement politique, il y avait beaucoup d'idéalisme. En fait, si j'avais su la corruption qu'il y avait au sommet, ou le fait que les gens utilisaient notre idéalisme pour arriver à leur fin, je ne suis pas sûr que je me réengagerais de la même façon. Paul, lui, il a fait l'expérience de Christ pendant 20 ans. Et il dit, tout le reste, c'est comme des ordures. Afin de gagner Christ, son souci, encore une fois, c'était de vivre pour Christ. Paul, dans cette lettre, se plaint des légalistes, de ceux qui insiste sur le rituel au lieu de parler du spirituel. Et ce qui est curieux, ce qui montre comment la chair, la vieille nature est forte, c'est que les traductions bibliques que vous avez entre vos mains n'osent pas appeler un chat un chat. Paul, il n'a pas dit qu'il a considéré tout comme des ordures, il a utilisé un gros mot. Et il l'a utilisé pour choquer les gens bien pensants, les gens religieux, les gens qui viennent à l'église quand ça va bien, avec un joli sourire, qui ne disent pas un mot plus haut que l'autre. Paul a dit que tout ça, tous ces avantages, il a utilisé le mot « M », point de suspension. J'ai même du mal à le dire, mais vous l'avez compris. Le mot qu'il utilise, le mot grec, c'est le mot « skoubala ». Et « skoubala », c'est ce que vous trouvez sur les trottoirs de Nice. Ce sont des excréments. Paul, il veut choquer les gens qui sont bien pensants. Et il dit que toutes ces choses religieuses, ça pue, c'est dégueulasse. Et il dit, c'est de la merde. Le mot a été dit, le mot Paul l'utilise, la Bible utilise des gros mots. Est-ce que vous le saviez ? Regardez avec moi Ésaïe. Désolé pour les enfants, mais Ésaïe 64, verset 5. On va lire à partir du verset 4. « Tu allais à la rencontre de celui qui pratiquait la justice avec joie, de ceux qui rappelaient tes voies, par qui de tout temps nous étions sauvés. Mais tu t'es indigné parce que nous avons péché. Nous sommes tous devenus comme un objet impur et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. » Là encore, la Bible n'ose pas traduire le mot que Paul utilise. Nos actes de justice, c'est merveilleux, les œuvres de l'homme, ce que l'homme arrive à faire. Les actes de générosité, les merveilleuses ONG, des gens qui se sacrifient, qui vont donner de l'argent, des soins aux malades, c'est très bien. Mais il dit que vis-à-vis de Dieu, c'est comme un vêtement pollué. Aujourd'hui, on traduirait par un tampax usagé. La Bible utilise ce mot. Un vêtement, c'était les vêtements que les femmes utilisaient pour leurs règles. C'est un vêtement souillé. Paul utilise un mot très fort. Et Paul ne parle pas parce qu'il s'est emporté ou qu'il a utilisé des gros mots parce qu'il était impur. Non, il est inspiré par l'Esprit Saint. Il est inspiré par l'Esprit Saint pour nous rappeler que toute notre gloire personnelle, toutes les bonnes actions que nous pouvons faire, que nous pensons faire, si ce n'est pas par rapport à Jésus-Christ, tout ça, ça ne vaut absolument rien. C'est de là. Et ça sent mauvais. Pour Dieu, c'est quelque chose d'horrible que de voir l'orgueil de l'homme qui croit faire du bien, qui croit faire des bonnes œuvres. Tant qu'on n'a pas cette conception, cette conviction, on n'a rien compris du tout à Jésus-Christ et à la Bible. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter mal, mais si on pense qu'on peut mériter d'être accepté par Dieu par nos bonnes œuvres, alors on n'a absolument rien compris au message de la Bible. Le message de la Bible, c'est que Dieu nous a créés, que nous avons choisi de lui désobéir, que le péché, cet refus de faire sa volonté, est entré dans la race humaine et que tous nous sommes contaminés par ce péché, cette maladie du péché, et que rien ne peut nous en guérir si ce n'est le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour nous. Si nous nous glorifions en toute autre chose, nous n'avons absolument rien compris. Les bonnes œuvres que vous pouvez faire, le sacrifice que vous pouvez faire dans votre vie, consacrer votre vie à aller servir les plus démunis, tout ça, si vous espérez que c'est ça qui va vous donner du mérite aux yeux de Dieu, c'est vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, pour utiliser une autre image, pour vous montrer que vous vous trompez complètement. Ces bonnes œuvres vont porter du fruit, vont avoir de la valeur si vous êtes venu à Christ et si vous avez réalisé que vous ne pouvez pas mériter son amour, son acceptation, son acceptance, on dirait en anglais, par vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, elles vont découler de votre juste relation avec Dieu, basée uniquement et seulement et absolument sur rien d'autre, son sacrifice à la croix. Ça, c'est le message de l'Évangile. Tout le reste, c'est de la religion. Ça ne vous amènera nulle part. Ça sent même mauvais pour Dieu. Il est répugné par nos propres essais de gagner du mérite à ses yeux par nos bonnes œuvres. C'est ce que Paul veut communiquer. C'était la vie de Paul, parce que lui, il avait encore une fois toutes les raisons de se glorifier de ses propres mérites. Mais il a compris sur la route de Damas, en un clin d'œil. Le Seigneur l'a instruit pendant 3 ans après ça. Mais ce qui compte pour lui, verset 9, c'est pas d'être trouvé avec sa, une justice qui serait la sienne. Ça veut dire justement pas une justice qui reposerait sur ses mérites, le fait qu'il accomplit des bonnes actions, mais une justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice qui provient de Dieu et qui est fondée sur la foi. C'est le grand message de Paul, c'est le grand message de la Bible. Regardons Éphésiens 2, verset 8. Encore une fois, nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais Dieu nous l'accorde dans sa grâce, c'est-à-dire dans cet amour qui veut donner sans rien attendre en retour, qui n'exige rien. Verset 4, on va reprendre à partir du verset 4. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Paul a cette vision de réalité spirituelle qui nous dépasse, mais qui sont vraies, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Et verset 8, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés des terribles conséquences du péché, qui est la mort éternelle, séparation d'avec Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par vos bonnes œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier, afin que vous ne dites pas « Oui, je sais, Dieu m'aime, mais qu'est-ce que je travaille pour lui ?» Car nous sommes, il ajoute, son ouvrage, nous avons été en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. D'abord on est sauvé et après on peut entrer dans ces œuvres que Dieu a préparées pour nous. Mais on ne peut pas faire l'inverse. Pratiquer des bonnes œuvres au hasard ou en pensant qu'elles sont celles que Dieu veut et après espérer que Dieu va nous pardonner, va nous sauver de nos péchés. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est la justice dont il parle, qui est fondée, qui provient de Dieu. C'est une justice qui est fondée sur la foi. C'est Dieu qui met un coup de tampon sur votre front, en quelque sorte, qui dit « bon pour le service, bon pour le paradis ». C'est lui seul qui peut faire cela. Cette justice qui dit que vous êtes accepté, que vous êtes bon, vous pouvez entrer, ça vient de lui, uniquement de lui, lorsque vous reconnaissez que vous n'avez rien à donner à Dieu. Est-ce que nous le reconnaissons, que nous n'avons rien à donner à Dieu qui puisse mériter son amour? Toutes nos bonnes œuvres, le fait qu'on vienne à l'église, le fait qu'on implante une église, le fait qu'on soit régulier, qu'on étudie la Bible, qu'on prie, tout ça, ça ne peut pas mériter l'amour de Dieu. C'est difficile pour l'homme religieux, pour la femme religieuse, que nous sommes tous ou toutes quelque part. Parce que nous avons été habitués dès le plus jeune âge à mériter les choses. Tout à l'heure, il y avait les enfants qui faisaient du bruit. Chut. Sinon, tu veux un bonbon? Alors, tu veux réussir à l'école? Alors, sois sage, travaille. On a toujours, dès le plus jeune âge, on nous apprend à mériter les choses. C'est pour ça qu'on a tellement de mal avec le concept de grâce. Le concept que Dieu peut nous aimer sans qu'on l'ait mérité. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas vivre la foi chrétienne. Il faut recevoir cet amour, ce pardon, cette grâce, et après, les bonnes œuvres vont en découler. On ne va pas faire les bonnes œuvres pour mériter quelque chose, on va faire des bonnes œuvres parce qu'on a reçu cet amour. Et ces bonnes œuvres, elles vont être comme le soleil, les rayons du soleil. Le soleil, il est réel, et vous voyez qu'il est là parce que vous voyez les rayons qui arrivent de lui. Vous sentez la chaleur sur votre peau. Des fois, il fait trop chaud. Mais vous voyez quelque chose de réel. La foi, c'est quelque chose d'invisible. Mais la foi va se manifester automatiquement, si elle est réelle, par des bonnes œuvres. Il continue en disant, « Mon but, c'est de le connaître. » Le but de la vie de Paul, c'était de connaître Christ. Encore une fois, ce n'était pas de connaître des choses sur Christ. C'était de le connaître de façon intime, de le connaître dans son expérience personnelle. Quel est le but de ma vie? Quel est le but de votre vie? Est-ce qu'on rajoute un peu d'église, de religion pour comme une assurance vie ou parce que c'est sympa de rencontrer des gens gentils qui sourient le dimanche même si ça va pas parce qu'on n'ose pas montrer la réalité de nos vies. Paul, mon but c'est de connaître Jésus-Christ. Pour moi, Christ est ma vie. Est-ce que nous sommes prêts à dire ces choses? Est-ce que c'est une réalité dans ma vie? Ou est-ce que mon but, c'est d'avoir une église qui grandit? D'avoir une église qui est connue? D'avoir beaucoup de monde, de gens sauvés? Est-ce que mon but, c'est d'avoir des gens sauvés? Ou est-ce que c'est personnellement de connaître Christ? Si je connais Christ, je vais brûler du désir de le partager avec les autres. Comme Paul le faisait, il avait tout compris d'un seul coup. Et sa vie, c'était d'expliquer aux autres, est-ce que nous en sommes là? Est-ce que nous le connaissons assez? Est-ce que nous l'avons fréquenté assez? Il dit, mon but, c'est de le connaître, lui. Puis il ajoute deux choses. Ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Qui ne veut pas connaître la puissance de Dieu? Souvent, c'est comme ça qu'on recrute du monde. Venez à Christ et vous aurez la puissance. Vous pourrez guérir les malades. Vous pourrez dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle le fera. Ah, la puissance, ça on veut tous la puissance. Là, il est question de la puissance de la résurrection. Je me souviens d'un sermon par Chuck Smith, notre pasteur qui est à l'origine du mouvement Calvary Chapel. C'est un homme fort, physiquement, souriant, qui a une voix de, je crois qu'on dit, plus que ténor stentor, il a une voix très puissante. Et je me souviendrai, je crois que Marie-Christine s'en souvient aussi, de ce sermon qu'il avait prononcé où il disait que il aime voir la puissance en action. Et il disait, je suis allé à Cap Kennedy, à Cap Canaveral, voir les fusées de la NASA partir pour la Lune. Et il a dit, il y a ce sentiment de puissance quand les réacteurs se mettent en marche. On voit les flammes se mettre en vol, qui bouge, et cette fusée qui arrive, qui bouge pas, mais il y a cette puissance qui est développée. Et finalement, la fusée décolle. Et bientôt, elle file à la vitesse de 11 km à la seconde. Et elle peut échapper à l'attraction terrestre. Il a dit, j'aime voir la puissance, une moto puissante, où on accélère juste un peu. Et disait, cette puissance, c'est de la gnognotte par rapport à la puissance de la résurrection. La puissance que Dieu a manifestée en ressuscitant Jésus-Christ. De la mort à la vie. Non seulement cette puissance de la mort à la vie, mais cette puissance qui nous sauve tous, autant que nous sommes, si nous venons à lui dans la repentance. Cette puissance inimaginable, c'est la puissance de la résurrection. Et Paul, il veut connaître cette puissance. Est-ce que vous voulez connaître cette puissance de la résurrection? Vous pouvez prier, vous pouvez voir des choses fantastiques accomplies. Les choses peuvent arriver. La France est un pays païen. Vous pouvez prier, la France peut devenir un pays plein de foi pour Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à cette puissance? Cette puissance, elle est là, mais elle est accompagnée de la communion des souffrances de Christ. Souvent, les gens disent, il faut payer le prix. Non, non, non. C'est pas la logique. La puissance est là, les souffrances sont là aussi. Mais c'est pas parce qu'on souffre avec Christ qu'on va avoir sa puissance. Ça vient ensemble. C'est différent. Souvent, les gens disent, ah oui, on n'a pas de réveil parce qu'on met pas le prix. C'est vrai et c'est faux. C'est faux dans le sens où si on souffre, on va obtenir des résultats, on va forcer la main de Dieu. Mais c'est vrai dans le sens où qu'il n'y a pas de partage de la puissance sans le partage de la souffrance, de la communion des souffrances de Christ. Est-ce que vous êtes prêt à mourir à vous-même, à vos ambitions? Ou est-ce que vous voulez avoir Christ et ces autres choses? Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul nous a rappelé comment Dieu s'est humilié en venant en la personne de Jésus-Christ au chapitre 2, comment il n'a pas estimé d'être comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu, mais qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'esclave. Il est devenu semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. Ça, c'est la communion des souffrances de Christ. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir avec lui? Pas pour mériter, pas pour, par masochisme. Dire ça fait du bien de souffrir, non. Est-ce que je suis prêt à aller là où il va m'envoyer? Est-ce que je suis prêt à renoncer à mes ambitions terrestres et à me remettre complètement à lui? Il dit, continue ce verset que vous pouvez mémoriser, versets 10 et 11. Pour connaître lui, d'abord on connaît Christ, on connaîtra la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. La traduction de la version que je viens de lire, la Bible à la Colombe, peut donner l'impression que Paul n'était pas sûr de son salut. Une meilleure traduction serait de toutes les manières possibles parvenir à la résurrection d'entre les morts. Si vous connaissez Christ, il nous a promis qu'il nous ressuscitera. Nous vivrons avec lui pour toujours. Mais nous allons peut-être passer par des chemins que nous ne souhaiterions pas emprunter. Paul, lorsqu'il dit ces choses-là, il est en prison à Rome. Il ne sait pas ce que lui réserve l'avenir, il espère toujours peut-être revoir les Philippiens en personne, mais il sait qu'aussi bien il pourrait être exécuté par l'empereur Néron, qui utilisait les chrétiens comme des boucs émissaires de sa propre folie. Et donc, il ne sait pas, ça va coûter cher, il se doute que ça va lui coûter cher, mais il veut parvenir à la résurrection d'entre les morts. Est-ce que notre but, c'est ça? Ou est-ce que notre but, c'est encore de se faire une place au soleil, comme on dit? D'arriver à avoir une vie sans trop de graves problèmes? Paul avait compris que la vie, c'était connaître Christ. Et tout le reste, maintenant vous savez ce qu'il a dit.